Jonathan Malunga. Mwana ya Antoinette. time. Senda no mandalo. Anichangana yeye. Bizarra wachara. Mabarika. Senda no mandalo. Anichangana yeye. Titi kwa mne yangi Matamana Via vya mne yangi Mahagoma Titi kwa mne yangi Matamana Via vya mne yangi Magina Zaza, Magina Zaza, Magina Mama. mama, magina zaza, magina zaza, uy magina mama, magina mama, magina zaza, magina zaza, magina mama, magina mama, magina zaza, magina zaza. Avancez. nation. Il s'appelle t'auras tes papiers. Tu veux tes papiers. T'auras tes papiers. N'abandonne pas. Faut que tu te bats. De toute façon, la vie c'est un combat. D'abord, n'abandonne pas. De toute façon, la vie c'est un combat. Il s'appelle Aboudou. Aboudou. Il s'appelle Aboudou. Aboudou. Il s'appelle Aboudou. Aboudou. Il s'appelle Aboudou. Ton mari te reviendra. Fatima, ton mari est là. travailler.